Son Myung-jin, vice-président du présidium du comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon et d'autres permanents des organisations centrales de la Chongyun, Association générale des Coréens restant au Japon, ont lancé le 29 août les entretiens contre les autorités sud-coréennes qui empêchent l'ouverture de la conférence conjointe des partis politiques, organisations et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la paix et la réunification indépendante dans la péninsule coréenne.